Thank you. Thank you. Christopher. Stop. Aujourd'hui, ce n'est là que le début de mon but. Ce n'est là que le rébut qui mène au but. Rester encore, rester toujours.